Le plan d'aujourd'hui à Assemblage requis. On a une toute nouvelle capsule humoristique de vie dont la don la question. Et comme à tous les jeudis, on reçoit Stéphanie Gagné avec sa chronique son plat favori. Ça c'est gagnant, hein? Qu'est-ce que t'en penses du jeu de mots ici, là? Bonjour, bienvenue à Assemblage requis, bienvenue les requins! Oui, aussi au Francis Martin à l'écoute. Ouais, pas les deux. Il y en a de tous les styles qui nous écoutent, de toutes les portions de la population, je dirais. Il y a quelqu'un, par exemple, ici dans le studio qui pourrait nous aider déjà à trancher? Le gars des promos. Ah oui, c'est vrai, on va te demander ton opinion. Est-ce que tu veux que les auditeurs de l'Assemblage requis... tu sais probablement que les auditeurs des Palmarès C'est fou s'appellent les Palmiers, tu savais ça, j'imagine? Bonjour, ben oui, certainement. C'est François-Olivier, le gars des promos, en passant. Je suis le gars des promos! Le gars des promos! Alors, je vois le gars des promos en direct de chez un commerce où personne est en ce moment! Hein? Bonjour. Bonjour, bonjour, ça va bien? Bon, donc, on a établi que oui, ça va très bien, toi. Oui, merci. On a établi ça. Auditeur d'assemblage requis, est-ce que c'est les requins comme moi je veux, les requins, assemblage requins, assemblage requis, hein? Oui. Ou les Francis Martin? Parce que l'explication, c'est explication. Il faut être un petit peu, il faut avoir certains troubles de la personnalité pour écouter l'émission Assemblage requis. Donc, les auditeurs pourraient très bien être des Francis Martin. Wow, c'est mon chien au bout. Ouais, c'est ça, c'est pas sympathique, je crois. C'est gératif un peu, même. Ouais. Mais requin, requis, on dirait que j'aime bien. C'est simple, c'est court. Hein, c'est droit au Mathieu but. Plante. Ouais. C'est peut-être pas assez Kiwan pour toi, Kiwan, là, mais bon, quand même. Bon, hey, je sais pas, mais je veux pas trancher, en fait. Je vous laisse le débat, vous demanderez à vos co-animateurs. Débolté, c'est un autre suggestion qu'on a eue. Débolté. C'est une autre suggestion, on va se faire, hein. Non. Vite de même. Hein? Non. Mais en tout cas, à date, c'est 1-1, parce que je voudrais juste te rappeler, Mathieu, qui lui s'est prononcé en faveur des Francis Martin. Donc c'est 1-1, on continue à faire le tour. Émilie, c'est quand même un choix assez important qu'elle a fait là. Toi aussi, fait que battez-vous. Moi, je vote pour toi, Mathieu. Merci, t'es fin, vote de confiance, du gars des promos. Hein? Parlant des promos, cadeaux, hein, ben au oui, moins, c'est hein, ça. Apporté, là, même si tu votes pas pour ma suggestion, t'as-tu des cadeaux? J'ai des coupons rabais, des bons lâchés en fait pour le Yuzu Sushi. Hey, c'est rare qu'on voit ça. Ben, qu'un? Hey, des 10 piastres, on en a deux. Deux fois, chacun un, parce que vous êtes deux. Je vais dire deux. On est le 9. Oui, 9 divisé en 2, ça donne 4.5. 9 divisé en 4.5, ça donne 2. Donc, deux bons lâchés, en fait, de 10 piastres au Yuzu Sushi à Trois-Rivières. Nouveau commerce de sushi. De sushi, oui, évidemment, oui. Qui est excellent, ma foi. Tout à fait, très délicieux. Donc, on rappelle le numéro 819-376-5183. On donne ça tout de suite, là. Tout de suite. À quel numéro d'appel, tu dirais, mettons? Je dirais, oh, Mathieu, il me fait 4, je vais dire 3. Parfait, donc on prend le troisième appel pour des sushis. Je t'ai déjà, toi. Voilà, hey, c'était pour ça que j'étais venu, en fait. Pour c'était... dire? Non, mais c'était pour venir vous porter des coupons rabais pour le Yuzu Sushi. Est-ce que tu pensais d'aller le dire en ondes? Non, ça, par exemple, non, puis il fait chaud. Mais il fait vraiment chaud en studio. Bon. Moi, je pensais que Mathieu ferait un jeu de mots, par exemple, avec les requins, ça mange des poissons, des sushis. Non, même pas. Non, c'est trop mauvais comme façon de faire un jeu de mots. C'est juste parce qu'il n'y a pas pensé. C'est ça, ouais. Je suis pas assez vite demain, moi. Non, mais t'es rapide des fois. Mais aujourd'hui, on dirait que non. T'es rapide des fois, merci. C'est ce que sa blonde dit, je pense. Hey, ça va le bas aujourd'hui. ça veut rien dire, par exemple. Ouais, bon, ben finalement, on va commencer en musique. On va vous laisser nous téléphoner au 819-376-5183 pendant la première pièce qu'on écoute. Oui, on va écouter un peu de Malajub. Est-ce que ça te tente? Malajubi! On va écouter du Malajub, un extrait de leur album Le Labyrinthe. Malajub qui nous présente un spectacle inédit le 14 juin prochain dans le cadre des Francopholies. Mais nous, on va écouter une pièce qui n'est pas inédite. Et vieille même. On va écouter Portée disparue, tiens. Ah, ben regarde-moi ça. Et pour les sushis, vous nous appelez tout de suite. 376-5183. On a deux fois 10$ à vous donner. On prend le troisième et quatrième appel. Les deux. Ouais. Troisième et cinquième. Pas le quatrième. N'importe quoi sauf ce que Mathieu a choisi. Tout pour me contredire, ça. Mais je vais voter pour toi pour les requins. Ouais, c'est ça au moins, quand même. Vive les requins. I should be the horrors of the day. The rise and fall, the bridges burn, the salt of your display. And I can't waste time to think of all the times I could have had, all the times I tried to step aside. You made me feel so bad. Like Bruce Rule, Bruce Rule, Bruce Rule, Bruce Rule, Bruce Rule, Bruce Rule. You ruled me, yeah. You ruled me, yeah. You ruled me, yeah. You ruled me, yeah. You ruled me, c'est le groupe de Dukes of Burgundy avec la pièce Strong. Vous êtes toujours à l'émission Assemblage requis sur les ondes de C'est fou avec Kiwan et Mathieu Plante qui va être de retour très bientôt. Pour l'instant, on va continuer en musique avec une pièce de Hidden Cameras. La pièce s'appelle Indana. Et dans la prochaine heure, je dirais, on va avoir une nouvelle capsule de Vidon Ladon, la question à vous présenter. Manquez pas ça. On écoute The Hidden Cameras tout de suite. Take each night. On conduit des forts, Kiwan. Oui, le groupe We Drive Cars avec la pièce Begin, c'est ce qu'on vient d'entendre à Assemblage Requis. Oui, l'émission du retour en pièces détachées qui se poursuit jusqu'à 17h avec Kiwan et Mathieu. Et maintenant, Kiwan, as-tu envie de rire? Non. Tu vas pas me faire un jeu de mots? Hein? Ben non, je vais t'épargner ça plus tard, peut-être. Tu savais que je rirais pas de toute façon, donc c'est sûr que si tu me parles de rire, tu vas pas me faire un jeu de mots. Ah, je répondrai même pas à ça. Comme à tous les jeudis, on a une capsule, évidemment, dans la question. Mais aujourd'hui, on n'en a pas juste une. On a deux! Donc, on va en écouter une tout de suite, puis on va pouvoir s'en taper une plus tard dans l'émission. OK. Quand tu veux, hein? Oui. Quand tu veux. Ben, OK. Ben, pas tout de suite, quand même. Là. Non? Plus tard? Ah, ben... Putain, là, dans la question... Hey, salut la gang! Aujourd'hui, pour vous autres, on a un ensemble de vaisselle à faire tirer. À go, on ouvre les lignes, la gang. On prend le troisième appel. Un, deux, trois, go! Allô? Salut, à qui je parle? À Valérie! Salut Valérie, c'est toi qui gagne le set de vaisselle. T'es-tu contente? Oui, folle contente! Valérie? Ouais? Il y a juste une condition avant qu'on t'envoie ton set de vaisselle. OK. Il faut que tu te débarrasses de ton ancien set. Ah, ouais? Ouais, puis on veut l'entendre à la radio que tu t'en débarrasses. T'as tout compris, Valérie. Mais là, ça craque pas. Ben là, y'a rien là. On va t'en envoyer un neuf. Vas-y, Valérie. Ouais, chop, chop. Hey, là, j'ai pas entendu de la coutellerie, Valérie. Tu vas aller toutes me flusher ça dans le bol, puis tout de suite, on veut l'entendre, ah ouais. Ça va tout déborder. Tu le veux-tu ou tu le veux pas, ton set de vaisselle, Valérie? Considère que ton set de vaisselle est dans mal. Maintenant, t'as-tu un chien, Valérie? Mais oui, j'en ai un! Parce que Valérie, ouais? T'es notre troisième appel, puis notre troisième appel gagne un set de 8 chiens husky puis un kit à traîneau! Sauf qu'avant de t'envoyer ça, Valérie, faut que tu fasses quelque chose pour nous autres? Faut que tu te débarrasses de ton ancien chien, Valérie! Ah ouais, on va entendre ça en radio! Excuse-moi, Pinot! Bon, good job! À cette heure, t'as-tu des seins, Valérie? Ben oui, là, des papiers gros! Va à la fenêtre de ton salon. OK. Check, tu vois-tu en bas? Tu vois-tu le troc de ta station de radio préférée en bas chez vous? Hein? Ah ben oui! Ouais! Allô! Qu'est-ce que tu dis? Allô! Ben oui, allô, Valérie. OK, OK, Valérie. Montre-nous ça, ces beaux seins-là. Ah ouais. Jackpot, poulette! Wouhou! Wouhou! Là, je suppose que c'est parce que vous faites tirer des implants à ma mère puis que je vais les gagner, c'est ça? Non, on fait pas tirer de faux seins. C'est juste qu'on voulait prendre une belle photo de notre grande gagnante. Puis, coudonc, Valérie, tant qu'à être les boules à l'air de même, bouge pas! On va t'envoyer un T-shirt! Dans la question. Ish! Ah! Oh! Hein? Ils sont rendus quand même assez rough, hein? Oui, j'aime ça, moi, le virage qu'ils ont pris. Ouais, c'est... Hey, hein? En tout cas. Mais en même temps, tu sais, c'est tellement une belle parodie des stations de radio commerciales. Ouais. C'est excellent. C'est pas complètement ridicule là, ce qu'il disait, même si c'était rough des non, bouches. Non, non, puis la fille, elle joue très bien le rôle d'une auditrice de certaines radios, hein, je trouve. Ouais. En tout cas, c'était Vidéo en question, une toute nouvelle capsule pour la première fois sur les ondes de C'est fou. C'était par Mathieu Saint-Onge et Luc Archambault et on les retrouve chaque semaine ici dans Assemblage Requis. Et non seulement on les retrouve à chaque semaine, aujourd'hui on les retrouve, quoi? Deux fois, tu m'as deviné, tu me voles les mots de la bouche. Hein. Deux fois. Là. Comme Pinsplay qui est mort, hein, t'as-tu vu? Ouais, on fait un show d'adieu récemment, surtout c'était la semaine passée, je sais pas quand. Triste, hein? En tout cas. J'ai sorti un beau mixtape, là, cet hiver, puis là, finalement, plus rien du tout. Ils ont pèsé sur stop, hein? Wow, quelle belle image, tu devrais leur suggérer. Je suis sûr qu'ils l'ont jamais utilisé, cette phrase-là, ici, pour ça. Donc, on entendra la deuxième capsule, la vidéo dans la question, plus avec, tard dans l'émission. Avec Crossette Communication, faut pas l'oublier, eux autres, on les aime bien. Oui, ça va être Cœur de Peanut. Cœur de Peanut. Ben oui. Tantôt. Attendez un peu, là, un peu de patience, ça a jamais tué personne, ça. Hein? Ah, comme tu es un chien, hein. Ça a jamais tué personne. Ça a jamais tué personne. C'est ce que tu viens de dire. Il me semble ça passait pas tout à fait. Pas tout à fait, non. Ouais. En tout cas. Et on va retourner en musique à Assemblage Requis si ça vous dérange pas trop, là, parce que nous, à un moment donné, on a beau parler puis rien dire, finalement, c'est passé beaucoup, beaucoup de temps à dire beaucoup, beaucoup de mots qui veulent pas dire grand-chose, mais on a de la musique à écouter aussi. Ben oui. Parfait, donc on va aller écouter tout de suite le groupe Ghost Keepers, ou The Ghost Keepers, non, Ghost Keepers avec la pièce Haunted. Assemblage Requis. I saw her sitting in the stands, so I wander and wander to that haunted land called romance, holding hands and dancing, shit like that, right? What's good, good thing I had my youth, I could have only been a 12 or so, there's much to learn, of which I've no concern, just for the moment, baby. I'm far too lonely. Now I'm from the west. the far northwest. I'm here for the money, I do confess. I'm living close to my, I'm running a chainsaw. I'm cutting trees for the G's, but don't you judge me, girl. I just might be getting ready for you. You ready, baby? And in the meantime, but in the meantime. Toujours à l'émission du retour en pièces détachées, Kiwan et Mathieu, ça c'est nous ça. Hein? C'est toi ça, Kiwan? Ben oui, c'est nous, Mathieu. Il reste encore beaucoup de temps à l'émission. On a encore le temps de vous présenter plein de trucs, dont entre autres Stéphanie Gagné qui s'en vient vers la fin de l'émission avec ses chroniques Ton plat favori, mm-hmm. et qui nous a dit qu'elle nous avait préparé un pet, je pense, dans son pet Tupperware. En tout cas, ça va sentir le pet, peut-être? Non, c'est Pete, je pense. Okay, ah! J'avais mal lu, ouais. Ouais. C'est un Pete. Ben, c'est Facebook, hein, des fois, ouais. Les fautes, on sait jamais. Ouais, c'est vrai. Mm. Hey, tantôt, Mathieu, on parlait du groupe PaysPlay. C'est vrai. Qui n'existe plus, ça c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, comme la chronique plus tard qui va s'appeler C'est un fait que je vais faire sûrement, j'imagine. J'imagine, d'habitude les jeudis. Hein. Pas mal ça. Mais oui, t'as trouvé plein de nouvelles pièces, des pièces, des inédits de oui. PaysPlay qui sont pas sur leur seul et leur album. C'est vraiment un hasard total, c'est pas comme si j'avais cherché pour les trouver. Et j'imagine que c'est des pièces qui se retrouvent sur leur mixtape qui avait fait paraître l'hiver dernier. Mais j'ai trouvé quelque chose d'assez intéressant ici. Fred Fortin, Massacre à l'harmonica, remixé par PaysPlay. Oh. Est-ce que ça tente d'écouter ça? Okay. On écoute ça tout de suite. Ben voilà. À Assemblage Rocky. Ben c'est ça. Ça c'est ce que je fais. Hein. Je réagis. Sleep. si accepté vieille. On s'est chargé de Perrier. Tu sais, c'est ma getaway. C'est romantique, le coucher de soleil. Une marche sur la plage avec une petite bouteille. C'est ma ballad, ballad. Puis la voir sur la two-step disco. Disco, disco, disco, disco. Go back à l'état d'avant. Page blanche, plume rouge, c'est ma lettre d'amour. Lettre d'amour, c'est ma lettre d'amour. Je vois la notebook, remake, carpool, speed date, call, move back. Un petit rappel juste qu'est-ce que t'es. C'est pas ma faute si j'ai oublié. Non-stop, bebop, pit stop, say. Jaw drop, bebop, toute la veille. Buzzy, bise, les abeilles. Tout ce que ça prend pour nous envoler. So say la disco, gypsy, jazz. Jazz, jazz. C'est la gale avant, dis la gale avant. Who, who, who, who. Say la disco, gypsy, jazz. Jazz, jazz. C'est la gale avant, gale avant. C'est la gale avant que j'ai marqué la mood. A fortune cookie dans mon Chinese food. Ooh, ah, I-E-O, l'onomatopée. Sin chick, sin jazz, gypsy disco jazz. Seashells dans les zones et puis le monde qui se passe. Pour la slow-mo, logo. Motion, la vie avec un logo. Yabba-dabba-doo, dibba-dabba-doo, babe. Y'a de l'aise dans la chaise, un bon tu restes la soirée. C'est la gale avant, c'est quoi, c'est. C'est ma getaway. So say la disco gypsy jazz. Jazz, jazz. C'est la gale avant, gale, gale avant. Ooh, ooh, ooh, ooh. Say la disco gypsy jazz. Jazz, jazz. C'est la gale avant, gale, gale, gale avant. So ouvre la porte, tire la chaise. Confiture, panier aux fraises. Gentleman, specimen, c'est ça qu'il faut la faire. Bouquet de fleurs, danziller, dis-like, tu l'aimes. Autant qu'à pétain, bitch, appelle la jamais une chienne. C'est la gale avant everyday. 30 secondes pour se parler. Kit-kat, chit-chat, bec sucré. J'ai dit non, elle a dit no way. C'est même qu'on flotte, oui c'est même qu'on se promène. Easy breezy, c'est la way. Bon, c'est jamais la même. J'étais au bal hier soir. J'vais retourner hier soir. Moi j'connais personne que des longues vacances comme moi. J'étais au bal hier soir. J'vais retourner hier soir. Moi j'connais des personnes que mon gars l'a vanté ça. Woodhands avec la pièce Pockets. Ils sont à Québec demain, c'est au Cercle Woodhands. Et invité, je ne sais pas exactement c'est qui, c'est quoi. Charles Lafortune sûrement. J'espère que oui. Puis il va avoir, ils sont aussi à Montréal samedi prochain, Woodhands. C'est sûr qu'il te reste juste deux semaines de ça après aujourd'hui. T'sais. Deux semaines de quoi? De Charles Lafortune, que tout le monde fait puis qui sont pas originales puis pas drôles. Ah, je m'ennuie de toi Mathieu dans deux semaines quand l'émission va être finie. Ben ouais, donc c'est ça, il nous reste deux semaines et un jour avec aujourd'hui, donc un petit peu plus qu'une heure de tout ça. On en reparlera, on a plein de choses à vous dire d'ici les deux prochaines semaines. On va célébrer en grand avec nos chroniqueurs, ça va être très très le fun. Et Assemblage requis, en tout cas pour cet été, là, vous allez voir quelque chose de nouveau, ça va être fun. On a hâte, on a des plans pour vous autres à vous annoncer cet été, ça va être fun. Ça mourra pas là, cet été, cette histoire-là. Oh non, Assemblage requis va continuer cet été dans un autre format, on en reparlera. Bon. Très content d'apprendre ça. Oui, et plus tôt dans votre vie, hein, parce que les gens, à un moment donné, aiment ça vivre au jour le jour et on veut pas juste entendre parler de ce qui va se passer dans 2-3 semaines. Il va y avoir la chronique C'est un fait avec des choses véridiques, vérifiables, véritables et on se demande si c'est vrai. Hein? Et on... C'est généralement douteux, en fait. Oui, mais ça a des bases dans la vérité. Là. Pas mal, je dirais. Ah oui, aujourd'hui, ils sont plus crédibles que d'habitude. Ah, tantôt. Ça va faire changement. C'est ça. On va aussi avoir un petit plot Tupperware. De la part de Stéphanie Gagné, sa chronique Ton plat favori, elle nous parle de Pete Doherty aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est? Pete Doherty. Ouais. Pete, ce serait Pierre-Éliott Trudeau. J'espère que c'est pas ça son coup de cœur. Non, j'espère. Hein. Ouais. En tout cas, Pete, ça aurait pu être aussi sur le recyclage, hein, les petits symboles PET. Ça aurait pu. C'est sûrement pas ça, Pete. En tout cas. Et on a aussi une autre capsule de vidéo là-dedans, la question tout à l'heure sur quoi? Cœur de Pinot avec Crossette Communication. Oui, puis même j'ajouterais même à ça que. On a de la musique. Hein, c'est ça que tu nous promets? Tu nous promets de la musique? Tout de suite. Je te promettrais même d'aller écouter OK Go tout de suite avec la pièce This Too Shall Pass. Qu'est-ce que t'en dis? Ouais. Moi, t'as une autre suggestion pour non, moi. Non, ça va. Mais où est-ce que tu t'en allais avec ça? Nulle part. Non, mais t'avais vraiment quelque chose. T'avais l'air d'avoir quelque chose de grandiose à dire. Tu penses? Ouais. Ah. Qu'on avait. Qui sait? C'est-tu parce que j'avais déjà dit ça, mais tu t'en allais le redire? Genre? Non. Non. Pas sûr de ça, moi. OK Go tout de suite à Assemblage Requis. Je sais plus quoi croire dans ce que tu me dis, je te reconnais plus, Kiwan. So strange to see them. To my surprise. Love is all. Avec la pièce Kangen. C'est moi qui fais ça d'habitude, Key One à console aujourd'hui. Wow. Tu m'as déconcentré avec ton numéro de... On se parle en même temps, ouais, comme les Denis Drolet, mais on l'a pas pantoute. Exactement. C'est ça. Pas grand-chose qu'on a, finalement, nous autres. À part une belle complicité, je veux dire, là. À part la poisse. La poisse. Hey, c'est la fin de la première heure. Oui. C'est l'assemblage requis. Malheureusement, il vous en reste une deuxième à supporter d'ici la fin de la semaine. On va avoir Stéphanie Gagné. On l'a pas dit 400 fois, on l'a pas dit une fois. Hein? On va aussi avoir la chronique C'est un fait et une autre capsule humoristique de Vidon. On adore la question. Let's empty that question. On va parler de cœur de pinot. Oui, c'est ça, c'est intriguant, ça. Restez là. Restez là. Ben oui. C'est fou comme faire végétarien. Comme un ninja à faire ce gars-là. Yaha! Comme le gars dans l'identification de ses fous avec, je pense, de Heroes. T'as entendu ça, là? Non. Celui où il fait « Yalla! » Non? T'as pas entendu ça? Ben, j'ai probablement déjà entendu, mais probablement que tu l'imites très mal, donc c'est pour ça que je la place pas. Oh! Key One, c'était parfait! Sérieux, il fait « Yalla! » C'est de même, pareil! Ah, là. Bon, ça, on l'aurait fait jouer juste avant. Mais bon. Deuxième heure d'assemblage requis, on voulait pas revenir parce que finalement on n'aurait pas dit les mêmes affaires depuis le début de l'émission. C'est comme redondant à mort, c'est comme notre émission du 2 février. Ça. Encore trop de behind the scenes. Non, c'est de la transparence. Les gens apprécient la transparence, j'en suis sûr. Ok, tu sais, on voulait pas revenir encore parce qu'en fait, Mathieu commence à avoir les fesses humides parce que ça fait longtemps qu'il est assis sur sa chaise. Puis il avait prévu aller faire une petite marche pour s'aérer un peu. Mm-hmm. Mais là, finalement, on n'a pas eu le temps parce que là, il faisait très chaud dans le studio. Puis Mathieu, il voulait pas aller dehors parce qu'il avait pas son manteau puis il voulait pas attraper la grippe. Fait que finalement, on n'a pas pu recommencer tout de suite l'émission. Donc, il a fallu qu'on parle ridiculement pour rien dire pendant une minute. Okay. Qu'est-ce qui est vrai de ça? Vous le saurez jamais. Voici y a les casses de hot chip. Je dis qu'au moins 3% de ça est vrai. Mes fesses sont vraiment mouillées. Two people are alley cats. We have an unhappy cat. He is restless, needs attention, loses patience, seeks affection. Monkey grooms, blossom blooms, do you dig germs? The germs. Heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps when we lie alone. Wear each other's heads like cats, speaking tongues like alley cats, cradle them in both our laps and we die alone. Inside a blanket of bed, planted like the crocuses. In the song my mother said, she wanted us to sing. We sleep inside a blanket.

Two Door Cinema Club avec la pièce Undercover Martin, c'est ce qu'on vient d'entendre à Assemblage Requis. Et j'ai quelques petites suggestions, Mathieu, à te faire, quelques suggestions sorties en fin de semaine. Je t'écoute. T'as probablement vu la une du Voir de cette semaine, qui est arrivée tout fraîchement en kiosque. En rack. Pense qu'on dit. Oui, on parle des Sages-Fous. Tu connais probablement la compagnie théâtrale Les Sages-Fous. Certainement. Tu as sûrement vu l'été dernier ou l'été d'avant, ou en tout cas, pas mal à chaque été, il y a toujours des représentations dans la rue à Trois-Rivières, ici dans le centre-ville. C'est vraiment super intéressant. C'est intriguant. En fait, moi, j'ai jamais vu un spectacle au complet. J'ai seulement vu comme ça des bribes de théâtre improvisé. En tout cas, ça a toujours l'air improvisé un peu ce qu'ils font sur la rue avec leurs marionnettes et leurs grands personnages. Ça, il y a un super de bon article dans le Voir de cette semaine sur les Sages-Fous. Ils vont faire 4 représentations d'un nouveau spectacle, d'un ébauche de nouveau spectacle à Trois-Rivières. Il va avoir 2 représentations à la Maison de la Culture de Trois-Rivières. C'est en fin de semaine, c'est les 9 et 10 avril, donc vendredi et samedi. Et sinon, au studio théâtre, etc., la semaine d'après, toujours vendredi et samedi, les 16 et 17 avril. Donc ça, c'est pour les Sages-Fous. Dans un registre un petit peu plus conventionnel, si vous aimez l'humour plus conventionnel, plus, je dirais même, politique, okay. Guy Nantel est à Shawinigan. Moi, j'aime pas vraiment ça, les spectacles d'humoristes. C'est rare, mais c'est rare que je vais voir ça. C'est rare que je m'intéresse aux humoristes, mais Guy Nantel, tu vois, je l'aime bien. Ouais. Je m'intéressais à ça, Guy Nantel. J'entends des noms d'humoristes. Moi, sérieusement, je suis très, très pas humoriste. J'en connais pas bien. Ouais, moi non plus, en fait. Mais on m'en suggère quelques-uns. Puis Guy Nantel, on va regarder ça voir. Ouais. C'est à la Maison de la Culture de Shawinigan le 10 samedi. Bonne idée. D'accord. Vous êtes toujours Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées. On se continue ça pour un petit 50 minutes encore. Hein. La semaine est presque terminée, mais on a plein de bonnes choses qui s'en viennent pour vous, donc restez à l'écoute. On dirait que tu insistes beaucoup sur le fait que la semaine est presque terminée. As-tu eu une grosse semaine, Mathieu? Ouais. Mais c'est ça qui arrive aussi hein, avec les semaines de 4 jours. Quand on a un congé, il faut quand même faire tout le reste du travail dans 4 jours, et voilà. En moins de temps. Donc, ça fait des plus grosses journées. Ben oui. Que voulez-vous, hein? Vous avez les mêmes situations. On se comprend. Les gens sont comme. Ils nous trouvent bien. Ouais, hein? C'est ça. Bien attachant. Bien attachant. C'est comme un petit chat, pareil. Là. Ben oui. Gilly Gilly qui voit. Non? Tu ronronnes pas en ondes, toi? Non, c'est bien rare. C'est pas comment imiter ça, un ronronnement. Non, mais toi, t'es un expert. Par contre, pourrais-tu me faire ton fameux ronronnement? Ben oui, je suis reconnu pour Fais-le. Ça. Ah ouais, ah ouais, donc. Non. Non, du tout. On va aller écouter une petite capsule de crosset de communication. je vais se muter une crosset, voir, tiens. T'es capable de faire ça? Non. Ben, vas-y. Attends. Wesh! Non, sers ça, Mathieu. OK. Vidons-la dans la question, tout de suite. Vidons-la dans la question! Mesdames, messieurs, transportons-nous chez le groupe Crosset, une boîte de communication indépendante spécialisée dans l'image publique qui propose des solutions aux agences d'artistes et aux entreprises culturelles. Tout le monde! Bon, qu'est-ce qu'il y a encore, ma petite Pascale? Regardez dans le magazine le mardi. Il parle encore de cœur de pinot qui a posé tout nu. Comment ça, c'était censé être clos, ce dossier-là? Oui, allô? Théodou Lagan? Oui, Ulysse? Je suis en vacances en Argentine, puis je suis en train de lire mon magazine à potin, Écos de las Vedetta. Ouais? Devinez qu'est-ce qui est écrit sur la front page? L'Oscar de Pinotos est à mouille tout nu. Oh, encore! Calvaire! Oh, ça c'est Pavel, notre correspondant russe sur Skype! Oui, qu'est-ce qu'il y a, Pavel? Ma gloire, c'est épouvantable! Tous les médias russes racontent que Cœur de Pinot s'est montré le boss sur Internet! Caroline! Hé, hey, wow, là, Pavel! Elle s'est pas montrée le Kremlin, là! Elle l'a dit à tout le monde en parle qu'elle avait pas fait le spread eagle! Appelez-moi un ignorant, là, mais qu'est-ce qu'un spread eagle? Si elle a pas fait le spread eagle, ça veut dire qu'elle s'est pas ouvert les ailes! Ah, OK, comme dans l'expression à bleu nuit, on voit beaucoup de nids, mais pas beaucoup d'envol! Ah oui, c'est ça, des nids bien broussailleux! Ah, Emmanuel! Hey, là, ça va faire le niaisage, là! Faut qu'on arrange ça! On sera peut-être pas capable de nier le fait que Cœur de Pinot a posé tout nu, mais je veux au moins que le monde entier sache qu'elle s'est pas montré le smoke meat! Et de par le travail acharné des relationnistes du groupe Crosset, tous les pays du monde corrigèrent la nouvelle. Avis à tous mes compatriotes russes! Rectification sur la nouvelle! Cœur de Pinot n'a pas fait le spread eagle! Je répète, elle n'a pas fait le spread eagle! Ah, mamma mia, no visual de la plota, e che la vita! Attention, attention! Cœur de Pinot, pas de vagin. Pas de vagin. Oui, oui. Glou, glou, toton. Mais pas de vagin. Moi, j'ai vu le vagin. Non, non, non, non, non, non, non, non. T'as pas vu le vagin. Oui, oui, oui, oui. Moi, j'ai vu le vagin. J'ai dit, t'as pas vu le vagin. Yes, yes, I can witness. I saw the titties, the washer, but I look on the internet. I keep looking, but no chicken tandoori. Et ça a l'air que ces photos qu'un des pilotes s'est même pas montré le volume. Le volume? Mais qu'est-ce que c'est ça, le volume? Ben, le volume. Là où va l'homme, le volume. Bon, ben, une autre bonne job de fête. Mais fallait mettre les pendules à l'heure. Pas fait le spread eagle. Un point, c'est tout. Et hey, puis en plus, avec tout ça, je pense qu'on va pouvoir y trouver un nouveau contrat. Hein? Elle pourrait devenir porte-parole pour des produits de déjeuner. Ah oui, lequel? Le beurre cœur de pinot? Non, le Maple Spread Eagle. Hey, je savais pas qu'on avait le droit de parler de volume. Vraiment à la radio. Vulgaire. Ah, yeah, c'est vulgaire, tu dis. Chicken tandoori. C'est extrêmement vulgaire. Wow! Je savais pas qu'on avait le droit, selon le CRTC, d'utiliser des mots comme ça à la radio. Ben non, mais il n'y avait rien eu d'offensant. C'était des synonymes culinaires. Ou je sais c'est pas, ça. Pas, puis quand, de toute façon, quand tu es dans une autre langue, tu sais, if you want to talk about the plot, you can talk about the plot. C'est scénario en français. C'est le mot scénario. En anglais, c'est plot. T'as le droit de dire ça. Ouais, c'est vrai. C'est un mot traduit. Mm. C'est rien de vulgaire. Bon, je pense qu'on a notre quota de mots sales à utiliser en onde. En tout cas, malgré le fait que ce soit quand même clairement gras comme, oui, comme style d'humour, celui de Vidon Ladon la question, je trouve que leurs nouvelles capsules sont meilleures que toutes. Ça, c'est imbattable. Je pense que celle-là, c'était ma préférée de tous les temps. Ils sont vraiment revenus en forme. Là. Ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas fait de nouveau matériel. Ils étaient pas mal moins crasse avec Radio-Canada, je pense. Hein? Ouais, un petit peu moins. Il y a probablement plus de... Ben, évidemment, plus de contrôle. Là, ils parlaient d'art et de culture et de peinture et de politique, là, mais là, ils sont de retour à, leur, à ce qu'ils font de mieux. Il y avait souvent un thème imposé, j'imagine, ouais, là, à Radio-Canada. Donc là, maintenant qu'ils sont libres, ils peuvent retomber dans leurs véritables intérêts. C'est ça, nous titille, tout ça. Je pense vraiment. Hein? Donc, Mathieu Saint-Onge, Éric Archambault avec des nouvelles capsules de vidéo à droite à question pour le reste de la session et au-delà, peut-être. Hein? Qu'en sais-je? clin d'œil, coup de coude. Petit coup de... Ah. Moi, ça me rappelle tellement au secondaire, là, quand il y avait une fille qui avait un nom que ça portait à faire des mauvais jeux de mots. Là. As-tu des exemples? Est-ce que je peux dire le nom d'une personne qui est peut-être encore à Trois-Rivières? Ben, juste pas son nom complet, là. C'est parce que si je l'ai dit pas au complet, le jeu de mots n'a pas bien de sens, hein? OK. Hein? En tout cas, ben, on te salue, Vanessa Gingras. Ouais, pour vrai. Ça existait? Ouais. Elle avait un deuxième nom de famille, donc ça élimine au moins une certaine... Ah, ouais, ah, c'est ah, ça, c'est ouais. Bon. Tu viens de le dire qu'elle avait un autre nom de famille. Non, mais ça se peut qu'il y a plusieurs personnes qui ont ce nom-là et plusieurs bon. Autres noms de famille, hein? Et Colin, on te salue. Mais avoue que Mathieu Plante... Bon. Là, hein? Comment? Mathieu Plante, là, tu as quand même dû en entendre quelques-unes aussi. Pas en tout. Non? Mon autre nom de famille, c'est Tousignan. Celui-là, j'en ai entendu plusieurs. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Comme quoi? Comme Tousignan? Tu l'as dit. C'était bon, vulgaire. Ça. On va aller en musique tout de suite avec un extrait de l'album Les Chemins de Verre de Carquois. Les Chemins de Verre! Les Chemins de Verre! Là, on est parti, on n'est plus arrêtable. On va écouter la pièce Marie, tu pleures? Y a-t-il quelque chose de louche? Ben, si elle pleure dans. En tout cas, ouais, ok. Non, ça, c'était déplacé. Comme trop, ouais. C'était juste trop. Les Chemins de Verre. Hein, Stéphanie Gagné, Les Chemins de Verre? Hein? Je suis sûr qu'elle aime ça, ces jeux de mots-là. C'est pas. Quand on a une fille en studio, on arrête de faire ça. Même si tu meurs Que c'est bon ça, The Fleet Foxes avec White Winter Hymnal. Assemblage Rocky. Ouais. Maintenant, Kiwan. Oui. T'as envie d'entendre des choses véridiques parce que toi, la vérité, c'est quelque chose qui te tient à cœur. C'est drôle qu'à chaque fois qu'on fait cette chronique-là, on parle de. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est un peu ça le but. On parle... Tu insistes toujours sur le caractère véridique de la chose, mais il n'y a rien dans toute l'émission, il n'y a rien qui a l'air le plus douteux que cette chronique-là. Et c'est le moment où on insiste toujours sur le fait que c'est des faits véridiques. Véritables et vérifiables. C'est ça le slogan de la chronique, c'est les 3V. Là. C'est comme TVA, là. C'est vrai. Là. Si TVA dit quelque chose, comme il y a une mouche dans un trou de beigne, c'est que c'est vrai. T'sais. Bon. Donc, commençons par Kermit. Savais-tu que Kermit la grenouille est gaucher? Ah. Un vrai gaucher. Écrit avec la main gauche, la grenouille, toi. Quand il a écrit dans un sketch. Hein. C'est sûrement parce que le gars qui fait la marionnette est gaucher. Ah, excuse-moi, il fallait pas dire que c'est une marionnette. C'est parce qu'il est, non, au contraire, il est droitier, mais il la manipule de face, fait que là... Ah. Je sais pas. Tu penses à tout, toi, dans la vie. C'est ça qui est le fun. Le premier produit à avoir un code barre, Kiwan, c'était un paquet de gomme Wrigley. Utile à savoir dans ta vie tous les jours. Vraiment. Ouais. En 1980, un hôpital de Las Vegas. Donc, on s'imagine, dans un hôpital à Las Vegas, les gens qui travaillaient là-bas misaient, gageaient sur quand les parents mourraient. Et après ça, ils ont été accusés de tuer des patients pour gagner leur gageure. Oh, mais ça existe encore, ça. Dans Grey's Anatomy? Non? Non, mais peut-être pas du monde qui tue leur... J'ai comme réveillé Stéphanie Gagné soudainement en disant Grey's Anatomy, je m'excuse. Non, mais... Non, mais je pense pas qu'il y ait des complots de meurtre dans les hôpitaux, mais... Non. Tu sais, un pool nécrologique, là, ça existe. Là. C'était très, très à la mode, là, peut-être 2-3 ans, tout le monde parlait de ça. Même si, là, aujourd'hui, la tendance est passée, ça existe encore, là, un pool nécrologique. Ça se peut-tu, hein? C'est sûr que c'est de mauvais goût, mais en même temps, t'sais, moi je trouve ça quand même intéressant, même si. Tu participerais? J'en ai jamais fait. Okay. Je sais pas si je le ferais parce que c'est quand même immoral à quelque part, mais je trouve ça quand même intéressant. T'sais, ça m'intrigue. Là. Je dis pas que je le ferai jamais dans ma vie. Une émission de télé-réalité basée là-dessus, là, ça pourrait être vraiment bien. Ouais, tu mets plein de mourants dans une chambre d'hôpital. Oui. lequel mourra en premier, un par semaine minimum. Là, lequel va être éliminé, vraiment pour vrai. Ah, Colin, c'est même plate de rire, là, t'sais. Après avoir souffert, et là, ça, cette nouvelle-là est aussi étrange et aussi pas médicale. Oui, c'est un certain aspect médical, je te dirais. Après avoir souffert d'une blessure par couteau à l'estomac, d'accord? Donc, une blessure par couteau à l'estomac, en faisant une fellation, d'accord? Une adolescente du Lesotho est devenue enceinte, est tombée enceinte en 1988, malgré le fait qu'elle était née sans vagin. OK, je t'explique. Les docteurs de Lesotho se posent des questions. Ils ont découvert une patiente de 15 ans qui était en train de commencer à accoucher, finalement. Et ils ont découvert qu'elle n'avait pas de vagin parce que la fille souffrait d'une défectuosité, là, si on veut, d'un handicap corporel, si on veut. Ça s'appelle la Malarian Agenesis. Je ne pourrais pas vous traduire ça en français. Mais finalement, ils ont appris qu'elle avait conçu un enfant quand son ex jaloux l'avait poignardé. Après qu'il y ait eu une fellation entre les deux, bon, donc, finalement, le sperme, ça dit que ça peut durer très, très longtemps. Et donc, apparemment, je sais pas, fellation, sperme, coupure, finalement, à un moment donné, le sperme s'est retrouvé à faire quelque chose à quelque part, même si elle avait pas de vagin, en tout cas. Bref, bizarre, hein? Tu sais, déjà, c'est... Je comprends pas trop, là. C'est déjà très rare, j'imagine, en tout cas, tu sais, les femmes qui naissent sans vagin. Mais là, en plus, une femme qui naît sans vagin qui se fait poignarder... Pas tout le monde quand même dans sa vie qui se fait poignarder. J'en connais 2, 3, 4. Puis là, en plus que par hasard, à ce moment-là, elle avait du sperme dans son estomac. Ouais. Ça, je trouve que ça fait beaucoup de coïncidences. À cause de la fellation, le sang, puis fucké. Vraiment fucké. Les chances d'avoir... est-ce que tu connais le basketball? Tu connais le sport avec... Attends un peu, Stéphanie a mis ses écouteurs. Je pense qu'elle a un témoignage à faire. Bon, on l'a réveillé tantôt au téléco. Pas du tout. J'ai pas de témoignage. Je trouvais juste ça vraiment là. Je voulais entendre ça de plus près. Ah, OK. Donc, le micro... ouais. Ah, tes écouteurs. OK, c'est ça que tu voulais dire. Oui, mes écouteurs, pas le micro. C'est pas avec le micro que j'entends mieux. Continuez. Et c'est pas avec ça que fait la... OK, bon. Tu connais le basketball, le ballon, drip, drip, drip? Tu connais ça? Oui. OK. Est-ce que tu connais le March Madness? Oui, ça vient juste de se terminer, là, en fin de semaine. Hier, avant-hier, je sais plus quand. Je savais ça, évidemment. Récemment. Je le savais. Je savais tout ça. Bon. Donc, les chances d'avoir une braquette du March Madness, une braquette parfaite au March Madness, sont de moins de une... dans 18 quintillions. Et un quintillion, c'est 1 million, 2 millions, 2 millions. 3 fois. Les chances d'avoir une braquette parfaite, là, que t'as tout deviné. Là. OK, donc, ben ouais, ça, c'est dans le fond. Il y a 64 équipes, mais à chaque fois, il y a un perdant puis un gagnant. Donc, il y a 32 après. Donc, c'est comme une pyramide. Donc, ouais, c'est ça. Ça fait... C'est ça. Ouais. Donc, t'as clairement plus de chances de trouver les numéros du 649. Ou de se faire frapper par un éclair. 6 numéros sur 49, tandis que là, faut que tu trouves. C'est ça, je sais pas comment. Tu t'as dit les probabilités totales, là, mais bon. C'est... 1 en 18 quintillions, qui est 1 million de millions de millions. Hein, c'est ça. Donc, 18 fois ça. Donc, une chance qu'il n'y a pas de loterie hein, sur le March Madness. Il y en a-tu? Je sais pas. Bien, sûrement. Il y a souvent du monde qui parie là-dessus. Là, ouais, c'est ça. Les garçons qui ont un prénom inhabituel, un prénom bizarre, ont plus de chances d'avoir des problèmes mentaux que les garçons qui ont des prénoms normaux. Et apparemment que les filles n'ont pas ce problème-là. Comme Kiwan, par exemple. Comme Kiwan, et voilà. La puce, une puce, puceux, peut sauter 350 fois la longueur totale de son corps. C'est l'équivalent d'un humain qui sauterait par-dessus un terrain de football. La façon qu'une puce peut sauter. Incroyable quand même. Il y a plus de flamants roses de plastique aux États-Unis que de vrais flamants roses. Les flamants roses, qui n'a pas ça dans son jardin, t'imagines, son parterre? Non, mais tu sais, c'est normal, ça existe pas aux États-Unis. C'est comme si je te disais, il y a plus de crocodiles gonflables au Québec que de vrais crocodiles. C'est normal, là. Ben, tu vas aimer le prochain fait, alors qu'il est dans la même veine de choses qu'on s'en fout complètement. À Long Beach, en Californie, c'est illégal de jurer, donc de sacrer sur un terrain de mini-golf, mais il n'y a pas à s'en faire parce qu'il n'y a pas de terrain de mini-golf à Long Beach, en Californie. Parce que c'est interdit par la loi. C'est à cause que les gens voulaient tellement sacrer qu'ils ont... Non, je sais pas. Ben, parce que c'est complètement loser, j'imagine, le mini-golf. Ah, OK, ouais, non, notre rabat-joie, par exemple. Non. OK, vous suivez. Stéphanie est une grande joueuse de mini-golf. Je suis pas une grande joueuse, mais c'est le fun. Ben oui, le rigolfeur, c'était... Non, mais là, OK, déjà, le mini-pot, là, c'est quelque chose, mais là, le rigolfeur, wow, attends un peu. Il n'y a rien de plus moche que ça, mais... Non, c'était drôle, non, mais c'est vrai que c'est le fun, mais avouez que c'est quand même honteux. La fausse crotte, il y avait ça? Oui. Ah, ouais. Tu sais, si vous allez jouer au mini-pot, je sais pas si vous jouez vraiment, là, mais avouez que vous espérez vraiment ne pas rencontrer personne que vous connaissez là, sur un terrain mini-pot. Ben, c'est pas grave. C'est comme aller chez Walmart. Si tu vois quelqu'un, si tu vois quelqu'un que tu connais, lui aussi, il est chez Walmart. Vous vous dites, ça ressemble aux autres. Ben, c'est ça. C'est correct. Ouais. La personne ne peut pas rire de toi parce qu'elle aussi, elle a. Et voilà. Caroline, que c'est vrai tout ça. C'est pour ça que moi, ce que je fais, c'est que je me stationne en face du Walmart puis je regarde le monde qui rentre sans y aller. Comme ça, je peux rire d'eux autres. Je vais faire ça au mini-pot cet été. Je vais rire de vous autres. Là. Dans le fond, vous faites des tournois entre vous deux là, de mini-pot. Ben oui, c'est clair. Prochain fait, Kiwan, dans la chronique, c'est un fait. Les empreintes de koala sont virtuellement indistinguables ou tu peux pas vraiment les différencier. Virtuellement avec celles d'un humain, donc les humains, les koalas. Et même que, apparemment, que sur une scène de crime... Les empreintes digitales, tu veux dire. Là. Les empreintes digitales, c'est ça. Apparemment, s'il y avait une empreinte de koala sur une scène de crime, tu pourrais la confondre et penser que c'est une empreinte d'une vraie personne. Apparemment. C'est déjà arrivé qu'il y a une scène de crime avec une empreinte de koala? Ben, il y a déjà eu des... on ne saura jamais, mais il y a plein de crimes qui sont justement jamais résolus. Tu aurais peut-être se tourner du côté des koalas. Tout à fait. Quand ils ne dorment pas, ils sont en train de commettre des crimes. Je vais appeler Claude Poirier, je pense. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai jamais vraiment entendu. Bon. ouais, ça paraît. Hein. OK. Prochain effet. apparemment, que la voiture Smart, tu connais les voitures Smart? Mm-hmm. Voiture intelligente, etc. Ça a été fondé par Swatch et Daimler-Benz. Et le mot Smart, ça veut dire Swatch Mercedes Art Smart. Donc, Smart, c'est pas parce que c'est une voiture intelligente, tu vois. D'où le mythe que la voiture est vraiment si intelligente que ça. Tu pensais-tu que c'était vraiment une voiture intelligente? Ben, je me disais que ça devait venir de ce mot-là. Ouais. J'imagine. C'est comme un car de golf de luxe, en fait. Un smart. Oui, un golf cart. Ouais, comme sur le terrain. Ouais. Ouais. On termine avec deux faits qui vont tellement bien ensemble. Savais-tu que... bâiller. Bâiller, c'est contagieux. Même penser au fait de bâiller, c'est assez pour faire bâiller bien des gens. Et après avoir entendu ce fait-là, l'article dit qu'il y a une chance, 50% des chances que tu vas bâiller. Donc, est-ce que quelqu'un ici... Oui, on essaie-tu? OK, à trois, on pense à bâiller. Pensez à bâiller. Faites juste continuer d'écouter la chronique, ça va marcher, je suis sûr. C'est assez plate de même. Non, ça marche pas. À l'intérieur de 5 minutes, apparemment. OK, 5 minutes. On a 5 minutes, OK, c'est bon. Le silence, on va-t-il durer pendant 5 minutes, tu penses? Non, mais on pourrait... Oh, oui, hein, ça avait l'air vrai, tout ça. C'était crédible au bout. C'était-tu pas vrai? Pas pour vrai du tout. Ouais, c'est ça. Les recherches disent que même les bébés, les fœtus de 11 semaines, peuvent bâiller et que le bâillement est contagieux entre les personnes. Ça dit que le bâillement... Caroline, je me suis juste là, ça a dû faire bâiller énormément, cette phrase-là. Les bâillements deviennent contagieux pour les personnes à partir de 1 à 2 ans de vie. Et quand un groupe de personnes bâille, plus de la moitié des gens dans le groupe vont bâiller à l'intérieur de 5 minutes après ça. Et le reste vont moins avoir une envie de bâiller. Et même les animaux peuvent bâiller quand ils voient d'autres animaux bâiller. Et la durée moyenne de bâillement est d'environ 6 secondes. Et les gars bâillent plus que les filles. Ça en fait des faits dans la même affaire. Hein? Ça fait 6 fois que je bâille depuis le début de ta chronique. Juste parce que c'est tellement plat. Je sais. Et on termine avec un fait qui va peut-être vous divertir, celui-là, parce qu'une cuillerée à table de sperme a approximativement 20 calories. Et le sperme contient du fer et du calcium qui peut empêcher vos dents d'avoir des problèmes plus tard. C'est vrai. Une éjaculation typique contient 150 mg de protéines, 11 mg de carbohydrates, peu importe comment ça se dit en français, 6 mg de gras, 3 mg de cholestérol, 7 % de potassium et 3 % de cuivre et de fer. Wow! Apparemment que les protéines à l'intérieur du sperme sont environ équivalentes à celles qu'on trouve dans un blanc d'œuf. Hmm? Aussi, les femmes qui sont exposées physiquement à du sperme ont moins de chances de souffrir de dépression. Wow! Quoi? Hein? Pardon? Exposé physiquement, ça veut dire quoi au juste? Ben oui, contrairement à être exposé virtuellement à du sperme que tu irais voir sur Internet. Hein, c'est ça. À quel niveau de proximité on considère qu'on est exposé physiquement? À un mètre ou moins peut-être, on sait pas. Ça. C'est des choses qu'on ne saura jamais. Avaler du sperme, c'est ce qu'on appelle la spermophagie. Je vais le traduire comme ça en français. C'est spermophagia. Et les études suggèrent que encore une fois, des termes en anglais que je comprends pas. Le seminal plasma, le plasma séminal empêche et combat le cancer, particulièrement le cancer du sein, n'est-ce pas? Ironique, toi. Mais faut qu'il soit consommé, là. Consommé. OK. mangé ou bu, dépendant de la consistance de... Aucune blague à faire là-dessus. Non, hein? Rien à rajouter. Ouais. C'était la chronique, c'est un fait. Merci, Mathieu. Ça fait plaisir, au plaisir. plaisir. wow. On va aller en musique tout de suite avant d'aller en pause. Et donc, dans quelques minutes, dans environ 5 minutes ou un bâillement chaque, on va accueillir Stéphanie Gagné officiellement pour sa chronique Ton plat favori. Mais tout de suite, on écoute Forest City Lovers avec la pièce Orphans à Assemblage Rick. Alors, encore baillé, je l'ai vu faire, moi. We were 16, only 16, so unprepared, left in the wilds of adolescence and no escape. An awkward boy, an awkward girl, what could be better than laying in this bed feeling slightly less awkward together? Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage Rocky, l'émission du retour en pièces détachées. Il nous reste encore une vingtaine de minutes ensemble. Et maintenant, on accueille l'effervescente Stéphanie Gagné et sa chronique Ton plat favori. Ah, t'aimes ça, effervescence, c'est un beau qualificatif. C'est si beau. Ben oui. Si joli. Est-ce que vous avez vu mon... Ben, c'était pas vraiment un indice, ça te disait exactement la chronique. C'est pas subtil surtout, hein? Dis juste ouais, le sujet, tu sais. C'est Pete Doherty, c'est ça? Oui, c'est Pete Doherty. Il y a tellement de stock à dire sur lui. Tu connais pas Pete Doherty? Non, je connais Shannon Doherty. Tu connais pas Pete Doherty non plus? Je connais Pete puis répète, mais pas Pete. Oh, mon la chanson Dieu. De Dirty, mais c'est pas ça. Hein? Pete Doherty est plus cool que Shannon Doherty. Elle est folle. Elle est folle? Elle est pas fine, là. Comment, manque de respect à toi. Vous connaissez Kate Moss, hein? La mannequin. La fille dans la chanson poche de Helmut Fritz. Là. Oui. Une frange de Kidman. Bon, ben, puis Doherty, c'est Lex. Elle a fait d'autres choses que faire dire son nom. Oui, un mannequin. Là-dedans. Non, elle était dans cette chanson-là, donc elle m'énerve. Bref, puis Doherty, c'est l'ex de Kate Moss. Ah. Et c'est quelqu'un qui a vraiment laissé une empreinte sur la scène musicale britannique. Et étant donné que j'aime beaucoup la musique britannique, ben, je vous ai apporté plein de stocks à jaser sur Pete Doherty. Intéressant, non? Ben oui. Mais surtout, vous le connaissez pas, je suis vraiment étonnée. Je m'attendais à ce que vous le connaissiez tout. Il est vraiment connu, là. C'est quoi, tu savais pas qu'on était vraiment des ignores incultes? Hein? On connaît rien, ça. Ah, OK. Bon, ben, c'est bien. Ben, Pete Doherty, dans le fond, il a commencé dans le groupe The Libertines, qui sont un groupe, encore une fois, qui ont vraiment eu un gros impact dans la musique britannique. Ça a été formé en 97, ils ont fait deux albums, Up the Bracket en 2002 et The Libertines en 2004. Ils ont joué avec The Vines, The Strokes, etc. Mais à cause des problèmes de drogue de Pete Doherty, le groupe s'est brisé. Et Carl Barrett, l'autre frontman du groupe, s'est parti à un autre groupe, Dirty Pretty Things, alors que Pete Doherty a parti Baby Shambles, qui est un groupe excellent, excellent, excellent. Ils ont sorti deux albums. Ils ont sorti Down in Albion en 2005 et Shatter's Nation en 2007. Et après ça, Pete Doherty a aussi une carrière solo. Il a sorti un album solo l'an passé, je crois, Grace Wastelands. Un album assez tranquille, mais... c'est ça, The Libertine, c'est pas du tout léché. Mais vraiment pas du tout. C'est vraiment. C'est sale. Un peu. Non, mais tu sais, c'est comme. On dirait que ça a été fait à botch. Mais vraiment beaucoup. Bande de garage, un peu. Ouais, ça sonne vraiment bande de garage. On dirait que tu dis, t'écoutes l'album, puis tu dis, ça doit être pareil en show. Pareil. Tu sais, ça gueule, puis des fois, on dirait que les guitares sont pas du tout accordées. C'est vraiment spécial. C'est vraiment spécial. Pendant que Baby Shambles, c'est beaucoup plus léché. L'album solo, puis Dirty aussi, pas mal plus poli. Pas poli comme politesse. Ben, il vous voit les gens, l'album. Là. Non. Mais tu dis que Baby Shambles qu'on a ici, ça, c'est plus soigné comme son. Oui. C'est quoi qui était plus sale? Tu disais c'est... The Libertines. The Libertines. C'est ça. Ça, c'est Pete Doherty, ici, avec Carl Barrett. Ça a l'air punk comme couverture. Oui, mais c'est punk rock. Dans le fond, ils se sont inspirés de plein de groupes comme Sex Pistols. Ils ont déjà joué avec ceux qui restent des Sex Pistols. Ils ont joué avec The Vines, The Strokes... Et souvent comparé, c'est ça, aux Sex Pistols, à The Kinks, The Clash. C'est très punk rock, mais d'autres fois vraiment très mélodique. Comme là, la première chanson que je vais écouter, c'est Baby Shambles. Mais après ça, j'ai une chanson des Libertines que je vais vous faire écouter. Mais c'est la chanson la plus tranquille de l'album, qui est ma préférée. Mais on commence avec Baby Shambles, avec une de mes chansons préférées, même si ça a pris une éternité à la choisir, parce que l'album est vraiment excellent, excellent. C'est la pièce Delivery. Le deuxième album, Shatter's Nation. Dans le bloc télécharge. Dans le bloc. Télécharge quoi? Ton plafond. Non, non, non. Est-ce que je ressemble à Maxime? Non, vraiment pas. Merci. Vraiment pas. C'est un compliment pour toi. Merci. Je sais pas ce que ça veut dire. Plutôt donc, à ton plat favori. Ton plat favori. Mon plat Tupperware. De cette semaine. Ouais, j'aimerais ça qu'un jour tu me parles de Tupperware, par exemple. Je t'ai l'air d'avoir de l'expérience là-dedans. Non, j'ai pas beaucoup de Tupperware chez nous. T'en vends pas comme Suzy Villeneuve, là? Puis... Non. Non? Non, ma carrière n'est pas encore assez plate pour ça. Tes restants sous-marins, par exemple, tu les mets dans des Tupperware. Hein? Non. Non? Non. On va aussi écouter la chanson pour... On écoute ça tout de suite, Delivery de Baby Shambles. Delivery, ils font livraison, je pense, chez Shambles. Delivery, chez Quiznos? Non, tu... Nah. Shatter's Nation. I had a leak, it came up scaling like a brick call. Now, what use am I to anyone? I'm fucked, forlorn, frozen beneath the sun. I don't see it alone, or you get what I got. So, here comes the delay. toujours à la chronique Ton plat favori à Assemblage requis avec Stéphanie, Mathieu et Kiwan. Pas de Maxime. Non, pas de Maxime aujourd'hui. Et on vient d'entendre la pièce Delivery des Baby Shambles, le groupe de Pete Doherty. Et la prochaine chanson, c'est une pièce des Libertines. Comme je disais tantôt, c'est la pièce la plus tranquille, mais je me rappelle, l'été passé, j'ai passé une semaine à n'écouter aucune autre chanson que la chanson que je vais vous faire écouter. En boucle? Aucune. Wow. Oui. J'ai écouté ça toute la semaine. J'ai écouté rien d'autre. Là. J'étais vraiment sur mon trip Pete Doherty. Là. C'est là que je me suis acheté l'album de Baby Shambles, les deux albums des Libertines. Il manque juste le premier album des Baby Shambles. Et The Libertines, ils sont plus ensemble depuis 2003, je crois. Mais là, cet été, ils vont revenir ensemble pour quelques concerts. C'est vraiment très étonnant. Ben, leur album date de 2004. Bon, ils ont dû revenir ensemble. Possible. Parce que Baby Shambles, ça a été fondé en 2003. Fondé. Arc. Chaussolette. Fondé, ben ouais. Découvert. Non, ça a été... Tu peux être découvert bien après avoir commencé à faire. Ouais, c'est ça. Ben, en fait, tu commences pas à être fondé, non, tu te fondes et puis après, tu continues d'exister. Non, mais c'est comme les villes puis les pays, là. Est-ce que c'est fondé ou découvert, ou tu sais, découvrir l'Amérique ou fondé. Ah ouais, ouais, mais ça a tellement pas de lien, par exemple. Tellement pas. Comme s'il y avait de la pertinence dans cette émission. Rarement. Hein? Très peu. Est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle a été découverte, cette émission-là? Pas sûr. Hein? Pas sûr. C'est un bijou caché. C'est, ouais, c'est comme un diamant brut qui ne demande qu'à être découvert et poli. Vous voyez. Vous voyez. Vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, la pièce, c'est Music When the Lights Go Out, la pièce la plus tranquille, mais tellement belle, avec la belle voix de Pete Doherty. De The Libertines. On écoute ça tout de suite. Is it cruel or kind not to speak my mind and to lie to you rather than hurt you? Well, I'll confess all of my sins after several large gins, but still I'll hide from you, hide what's inside from you. And the alarm bells ring when you say your heart still sings when you're with me. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. Memories of the pubs and the clubs and the drugs and the tubs we shared together stay with me forever. But all the highs and the lows and the twos and the fours, they left me dizzy. Oh, won't you please forgive me? I no longer hear the music. Oh no. Well, I no longer hear the music when the lights go out. Shades of doubt, strange lights in my mind, it's all too clear. Music when the lights come on, the girl I thought I knew was gone. With her, my heart, it disappears. Well, I no longer hear the music. Oh, all the memories of the fights and the nights and the blue lights, all the kites we flew together. I thought they'd fly forever. But all the highs and the lows and the twos and the fours, they left me dizzy. Won't you forgive me? I no longer hear the music. Well, I no longer hear the music. I no longer hear. De quoi qu'on parle? Fiu. Je sais pas, je vais juste imiter Kiwan. Avec des non, effets sonores. On parle de... Non, rien. On parle de rien, finalement? On parle, nous autres, on parle pas par les pièces, on les savoure. On les écoute. Ouais. Stéphanie disait qu'elle n'avait pas de haine envers personne. Du tout. Elle aime tout le monde. Elle a l'air de fille joyeuse. Ouais, tellement. Super associé à moi. Elle a des plumes des oreilles, je veux dire. Ben, pas des oreilles. Hey, j'ai juste une plume. Celle-là n'a pas de plume. L'autre, c'est quoi? Celle-là a une plume. Ah, OK. C'est fait pour ça ou t'en as juste perdu? Il n'y a aucun sens du style, ce Mathieu. Ça paraît tant que ça. Merci. Quand même. Non, ouais. Je viens de les acheter. Ils vont ensemble, c'est fait comme ça. Ben oui. C'est une fille que je connais qui les a fait elle-même. Ah oui? Oui. Ah. Tu l'as plugué? Ouais. C'est correct. Non? OK. C'est tout. C'était The Libertines, comme on vient d'entendre, avec une pièce qui ne ressemble absolument pas au son de The Libertines. Non, du tout. Mais c'est juste parce que c'est ma pièce préférée. J'aurais pu en faire écouter n'importe quelle autre. Ils sont super bonnes aussi, mais celle-là, c'est vraiment... C'est que là, tu vas donner envie aux gens chouchou. D'écouter ça, puis ils vont peut-être déçus parce que l'album n'est pas comme ça. Là. Hein? Ben là, on le dit, là, c'est pas comme ça. Bon. Donc, écoutez-le pas si vous aimez sale. Cette pièce-là. Non. Si vous aimez la musique sale, écoutez ça. Si vous aimez les gens qui prennent pas leur douche, écoutez ça. Ça, je veux dire, si vous aimez écouter de la musique pendant que vous êtes sale, c'est comme c'est vous parfait. Voulez. C'est parfait. C'est parfait pour vous. C'est fait pour vous, The Libertines. Bon. Bon. Super, ça. Super. Beau travail. Bon, ben bonne semaine, les garçons. Ben, bonne fin de semaine à toi aussi. Et on va t'écouter à ton émission, une paix bêche en mission, les jeudis, je dirais, vers 17h à peu près. Oui. Donc, dans environ 5 minutes. Et qu'est-ce qu'on va entendre de bon dans ton émission aujourd'hui? Inward Eye, je ne sais pas si vous connaissez. Il était à Trois-Rivières l'an passé. C'était super bon. Il y a aussi Black Rebel Motorcycle Club, que je vous avais déjà parlé. OK, go, you say party, we say die. Radio, radio. Tu as accepté ma prononciation, tu l'as adoptée. Radio, radio. Moi, c'est le même, je dis ça. J'ai toujours dit ça de même. Moi aussi, ouais. Toujours. Je trouve que ça sonne mieux. On le fait pour s'entendre? Radio, radio. Mm-hmm. Puis Franz Ferdinand. Et Cold War Kids, ça ressemble à ça. Il va y avoir plein d'autres choses que je vois pas pour l'instant. Vanessa Parietter, j'en fais jouer. OK. Bon, je vais pas toutes les nommer, là. C'est assez. C'est déjà pas mal ça, hein, je pense. C'est pas mal. Presque, il y en a deux autres, à peu près. Ça commence dans 5 minutes, de toute façon. Donc, on aura pas, les auditeurs, les requins, là, ils n'ont pas longtemps à attendre. Est-ce que c'est rendu les requins pour vrai? Parce que là, c'était mon... Je trouve ça cool. J'aime mieux ça que Francis Martin. Bon! Tu vois, toi, tu votes pour moi? Vote pour les requins. Je suis rendu à deux votes pour moi. Deux, ouais. Et voilà. Toi, c'était les Francis Martin. Mm-hmm. Moi, c'est les requins. C'est bien mieux. Les assemblages requins, comment? Les assemblages requins. C'est full mignon. Bon. De toute façon, Kiwan, tu t'en vas. Tu n'auras aucun choix sur le reste de l'historique. C'est bon. Je vous laisse avec vos requins. Je vais aller dans un monde où il n'y a que des Francis Martin. Que des troqueurs. Bon. Que des gens avec des coupes de Francis Martin. C'est ça, c'est chic. C'est qui Francis Martin? Un ancien chanteur. Hein? Tu refuses mon choix de nom oui, en étant les Francis Martin puis tu connais même pas. Tu nous juges parce qu'on connaît pas Pete Doherty puis toi tu connais même pas Francis Martin. C'est pas esthétique comme nom. Ben là, ça dépend. C'est là. Plus beau les requins. C'est une esthétique différente. Différente. C'est un degré plus absurde encore c'est comme les, c'est comme les boucles d'oreilles asymétriques, là. C'est, je veux dire. Lâchez mes boucles d'oreilles, tu veux que je parle de ta chemise? Ben, très symétrique. Une belle, ouais, sa chemise, il y a une poche de chaque côté, donc c'est droit. Là. Ouais. Faudrait c'est quoi qu'il y en ait une qui a une plume dessus? C'est pas de la symétrie? De sa propreté douteuse, c'est ça. Bon. Tu peux poursuivre. Ben, c'est comme ça qu'on finit l'émission cette semaine, je pense. Parce que oui, hein? Par ta chemise douteuse. Ouais, on va être de retour lundi avec une toute nouvelle émission, une toute nouvelle semaine. Il nous en reste deux ensemble, Kiwan. Comptons les jours d'ici la fin du calvaire, hein? Deux semaines, oui, il nous reste deux semaines. Deux semaines, juste deux jours. Ben, ça portait à confusion, mais non, c'est deux semaines. Deux semaines. Deux semaines avant la fin, voilà. Donc, lundi, on va avoir Maxime Lemleramé, sa chronique quoi? Télécharge quoi? Télécharge quoi? On va aussi avoir la présence. Est-ce que notre collaborateur, Drummond Villois, va être là? Ben oui, sûrement. Donc, on va le retrouver, Alexandre Delave. Sinon, ben nous, restez à l'écoute parce qu'une pêche en mission s'en vient. Ensuite, il y aura la spirale. Si vous avez raté un bout de l'émission, écoutez les meilleurs moments de C'est fou, c'est les vendredis à 6h30, en rappel, les samedis à 14h. Et allez voir assemblagerequis.com pour la balle de diffusion et les liens de l'émission d'aujourd'hui. Nous, on se laisse en musique avec nouvelle pièce du prochain album du Husky qui sort le 20 avril prochain. C'est la pièce Dialogue. C'est un duo avec Fanny Bloom de la Patate Rose. Ahouga! Manoum. Donc, on écoute ça tout de suite. Menoum, come on! C'est pas un objet ou un morceau de viande, Kiwan, là. C'est une pièce de musique. Ah, excuse-moi, ouais, t'as raison. De quoi tu parlais, toi? Rien du tout. Ridicule. Dialogue. Bye. Bye, bonne fin de semaine à lundi, Kiwan. Ahouga! Ahouga, ahouga! Pis c'est moi qui passe pour faisant des commentaires déplacés. Hamala, hamala, hamala! Bye.